Township dans la place. Hey baby, yeah. Learn about it. Sous ton manteau, mec. Sous ton manteau, mec. Frère Da. Yeah. Aïe.